Chapitre 1. Les verbes au présent de l'indicatif. Unité 1. Le verbe être et les pronoms sujets. Vous êtes portugais ? Non, je suis brésilien. Deux. Conjugaison. Je suis brésilien. Tu es espagnol. Il est anglais. Elle est belge. On est japonais. Nous sommes polonais. Vous êtes chinois. Ils sont suisses. Elles sont allemandes. 3. Prononciation. On ne prononce pas le E final de elle. Elle est. On fait la liaison. On est. Vous êtes.